Adelina mwen eme wapila na vapoun wè sa na fè. Ma woga la te se se mwen deja genyen de douzen taj. Si vous répondez moi, ma vaba ou bel kabandore. Et dis-moi se l'on passe ou, racontez-moi tout ça qui n'a cœur. Et l'elle y fait l'angélis, et combien pour faire cette heure du soir c'est pour. Et l'elle y fait l'angélis, et combien pour faire cette heure du soir. Si vous besoin me fais affaire, allemande ton ton mal mante cesse. Mouché si vous même, qui m'ont dit craignons mais l'emporté. Kabale li fait minuit, combien étoiles qui gagnent dans le ciel. Adelina moi même, en dégagé, pour moi ça n'a fait. Adelina moi même, Adelina, mwen reme ou api, mwen reme ou chéri, pou nou wè sa na fè.